est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Il est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. La haute silhouette en soutane d'un simple curé de village, un village de Lorraine. Singulier curé en ce temps-là. Le verre d'eau, homme de bien, homme de colère, dit Sainte-Beuve, une tête de feu, dit Bonaparte. Lui-même, Grégoire, se comparait au granit. On peut me briser, disait-il, mais on ne me plie pas. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. On débat beaucoup ces temps-ci, non sans passion sous-jacente, de la liste des personnalités du passé qui pourraient être portées au Panthéon. Lorsque François Mitterrand décida lors du bicentenaire de la Révolution en 1989 sur la proposition de la mission qui en était chargée de panthéoniser Gaspard Monge et Condorcet, ces noms ne soulevèrent guère d'émotion. Il n'en fut pas de même pour le troisième élu. L'abbé Grégoire, figure éminente depuis l'Assemblée constituante jusqu'à la monarchie de Juillet. Grégoire suscita des controverses assez vives pour que fussent démontrées la vitalité de sa mémoire et la dimension des enjeux politiques, moraux et culturels qu'elle évoquait. Autrement dit, que l'écho de son itinéraire dans le temps présent était toujours considérable. Et je ne crois pas que le quart de siècle écoulé depuis 1989 et éroder les angles aigus de ce profil de médaille. Donc nous allons évoquer ce matin l'actualité riche de l'abbé Grégoire. Nous allons le faire avec sa biographe, Rita Hermon-Bello, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. En rappelant combien furent vaillants ses combats pour l'émancipation des Juifs et contre l'antisémitisme, pour la fin de l'esclavage des Noirs, pour l'éducation du peuple, pour la lutte contre le vandalisme et la protection du patrimoine, pour l'extension de la langue française aux dépens des langues régionales ou encore pour la tolérance du catholicisme envers les autres religions. Combats dont beaucoup furent féconds et dont plusieurs exigent d'être inlassablement perpétués. J'ai bien connu l'abbé Grégoire depuis toujours parce que, enfant, je jouais aux billes sur la place des Carmes où il y avait, depuis 1885, une grande statue de bronze de l'abbé Grégoire. Et enfant, je chantais comme les enfants du quartier, la comptine, et si tu vois l'abbé Grégoire, tu lui diras qu'il peut s'asseoir. J'ai appris depuis que c'était un refrain qui avait été lancé par les droites, et je m'aperçois à l'expérience que ce n'était pas une formule innocente. Alors, en 1942, j'ai assisté depuis les fenêtres de ma maison qui donnait juste sur la statue d'Abbé Grégoire à une scène qui m'avait bouleversé. Sur un camion, j'ai vu déboulonner la grande statue de l'Abbé Grégoire et je suis allé en courant appeler le curé de la paroisse et je lui ai dit, monsieur le curé, ils enlèvent l'Abbé Grégoire. Et je me souviens de la réponse de ce vieux prêtre. L'abbé Vanier, curé de Saint-Léopold, Pierre m'a-t-il dit, pas un cri, pas une larme surtout. Cet homme, c'était le diable. Rita Hermon-Bello, bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre l'extrait du documentaire Henri Grégoire, La mémoire renouée, un documentaire de Jacques Tréfouel de 1989, qui nous propose un extrait d'une interview de Pierre Poncet, un avocat qui était fondateur de la Société des Amis de l'abbé Grégoire en Lorraine. L'abbé Grégoire comme le diable, ce prêtre diabolisé, je trouve que c'est un assez bon départ pour montrer qu'il y a une vitalité remarquable du personnage du côté du meilleur et du côté du pire. C'est en tout cas un personnage qui n'a jamais suscité l'indifférence, que ce soit dans la critique positive, dans la louange, parfois même dans l'apologie, ou que ce soit au contraire dans des reproches véhéments, en fait, qu'on entend encore aujourd'hui. C'est vraiment un personnage qui suscite la discussion. On a donc, sous Vichy, abattu sa statue. Il y a beaucoup de rues de l'abbé Grégoire, d'ailleurs, en France. Par exemple, une à Paris, en tête de sa très belle préface qu'elle a donnée à votre livre, Mona Ozouf parle de la rue de l'abbé Grégoire à Paris, dans le 6e arrondissement. Il observe qu'il y a un hôtel de charme qui a été fraîchement installé et qui arbore l'enseigne de Saint Grégoire. Alors d'un côté le diable, de l'autre côté le saint, plus ou moins imaginaire, voilà qui nous promet un propos, une conversation contrastée. On a un certain espace entre les deux. À dire vrai, cette petite rue du 6e arrondissement a été choisie parce que Grégoire a habité tout près dans la rue du Cherche-Midi. Et depuis le bicentenaire de 1989, et je pense grâce à la mission, il y a maintenant une pancarte qui signale la présence de l'abbé Grégoire à cet endroit. Bon, je ne doute pas que nos auditeurs vont y faire pèlerinage, laïque ou religieux, à la fin de cette émission à partir de 11h. Sûrement. Donc, je voudrais que vous nous rappeliez d'abord, parce que tout le monde le sait, mais peut-être pas tout à fait tout le monde, ce qu'a été l'itinéraire de ce personnage rare, en vérité, que fut Monseigneur Henri Grégoire, évêque de Blois. C'est un très long itinéraire, c'est une très longue carrière, puisque Grégoire est né en 1750. C'est une carrière dont le début est tout à fait exemplaire. Un enfant de village lorrain, fils d'un tailleur d'habits, dont le talent est remarqué par le curé de la paroisse. Un homme aussi dont la vocation religieuse apparaît très tôt. Il a toujours dit qu'il avait été élevé dans une famille extrêmement pieuse, qui devient donc prêtre et qui succède finalement assez naturellement au prêtre qu'il avait lui-même formé. En 1782, Grégoire devient curé d'Amberménil. Donc promotion sociale par la religion, ce qui à l'époque était assez fréquent. Ce qui est un itinéraire tout à fait classique de l'époque. Et dans ce rôle de curé, Grégoire a toujours dit que c'était les années les plus heureuses de sa vie. C'est un curé des Lumières. C'est vraiment le profil classique du curé qui est à la fois engagé dans la direction spirituelle de ses ouailles, ça ne fait aucun doute, on en a pas mal de témoignages, mais qui est aussi engagé déjà dans une mission d'éducation des villageois et puis dans une vie intellectuelle en Lorraine, qui est une vie très riche et particulièrement une vie d'académie, de concours, de réflexion approfondie. Et dès les années qui précèdent la Révolution, il écrit deux mémoires sur l'émancipation des Juifs, dont on connaît le second. On connaît l'essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, publié en 1788, qui a été récompensé par un concours. Et en fait, c'est l'ouvrage qui a apporté à Grégoire une première notoriété, donc déjà sur une question qu'aujourd'hui on appellerait une question de minorité. Donc, et de défense des minorités. Donc cela facilite son élection par les prêtres de son diocèse aux États généraux quand va éclater la Révolution. Et ce qui est très frappant, c'est la façon dont Grégoire sent et le dit que arrive ici une occasion exceptionnelle avec la réunion des États généraux. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une certaine clairvoyance politique. Donc Grégoire, député aux États généraux de son ordre, l'ordre du clergé, arrive en mai 1789 à Versailles et là commence une grande carrière politique. Alors, il est député donc aux États généraux et les États généraux se transformant en Assemblée nationale, il se trouve député à la Constituante, la première génération des représentants, des législateurs représentant les Français. D'ailleurs, on le trouve dans le fameux tableau de David sur le serment du jeu de paume. Avec bien sûr une intention tout à fait symbolique de David qui montre la réconciliation des Français parce que Grégoire est au tout premier plan donnant l'accolade à un prêtre régulier et puis un pasteur protestant, Rabaud Saint-Étienne. Alors il est ensuite réélu après l'interruption à quoi ont été contraints tous les membres de la Constituante au temps de la législative. Il est réélu au cœur de la 3e Assemblée de la Révolution, c'est-à-dire la Convention où il va continuer de jouer un rôle important. Absolument, il arrive en septembre 92 à nouveau député, cette fois-ci à la Convention, mais entre-temps, il a aussi, en vertu de la réforme du statut civil de l'Église qu'avait institué la Constituante, dans l'intervalle, il a aussi été élu, de façon un peu différente, mais élu quand même, évêque du Loir-et-Cher. Nous évoquerons tout à l'heure en détail, évidemment, parce qu'il peut y avoir des résonances actuelles, ses propos, ses opinions sur la place de l'Église catholique dans la nation. Mais dès à présent, je voudrais vous faire entendre sa voix. Nous ne pouvons pas attendre davantage pour connaître son propos, son style. Alors voilà sa fameuse profession de foi du 7 novembre 1793 à la Convention. Cet extrait de l'émission Analyse spectrale de l'Occident en décembre 1962. Dans une atmosphère dramatique, il peut poser l'idée qu'il se fait de son rôle et de sa propre personnalité. On me parle de sacrifier à la patrie. J'y suis habitué. D'attachement à la cause de la liberté. J'ai fait mes preuves. S'agit-il de la religion? Cet article est hors de votre domaine. Catholique par conviction et par sentiment, prêtre par choix, j'ai été désigné par le peuple pour être évêque. Mais ce n'est ni de lui, ni de vous que je tiens ma mission. J'ai consenti à porter le fardeau de l'épiscopat en un temps où il était entouré de peines. On m'a tourmenté pour l'accepter. On me tourmente aujourd'hui pour faire une abdication qu'on ne m'arrachera pas. J'ai tâché de faire du bien dans mon diocèse. Je reste évêque pour en faire encore. J'invoque la liberté des cultes. Alors d'un mot, Rita Hermann Bello, de quelle abdication s'agissait-il? Alors ce moment du 7 novembre 1793 à la Convention est un moment d'une tension extrême. On est à ce moment-là dans la période qui a été appelée la période de la déchristianisation, c'est-à-dire qu'une grande partie de la Convention et surtout de ses envoyés en mission dans le pays sont vraiment en conflit avec l'Église catholique. Et il faut savoir que juste avant que Grégoire ne prononce ces propos-là, un archevêque, qui est l'archevêque de Paris, Mgr Gobel, vient, lui, de prononcer la renonciation à ses fonctions d'évêque, ce qu'on a appelé l'abdication. Et ce qu'on entend là, c'est le refus de Grégoire de faire de même. C'est d'autant plus retentissant qu'il a acquis au fil des mois, depuis les débuts de la Révolution, une stature spécifique en prenant parti sur plusieurs sujets essentiels. Tout à fait. Et d'ailleurs, si on est venu le chercher en espérant qu'il allait abdiquer, c'est bien parce qu'il a acquis une stature tout à fait exceptionnelle. Alors, à travers un certain nombre de combats qu'il a livrés, de causes qu'il a défendues, qui sont bien sûr la cause de ce qu'on a appelé un peu plus tard l'émancipation des Juifs, c'est-à-dire l'accès des Juifs au droit de citoyenneté, la cause de l'abolition de l'esclavage, mais aussi de l'accès à la citoyenneté de ce qu'on appelait alors les sans-mêlés et les hommes libres de couleur, qui sont vraiment des causes auxquelles il a attaché son nom. Et puis, il y a aussi le combat pour la langue française. Oui, le combat qui reste un des combats peut-être aujourd'hui les plus controversés de ceux que Grégoire a menés. Alors, le titre de son rapport sur la nécessité d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française, la première partie du titre sonne horriblement. Bon, si on veut bien lire l'ensemble du texte, on voit que cette agressivité, cette brutalité n'est pas dans le projet de Grégoire. Rappelez-nous ce qu'a été la suite de la carrière de ce personnage vraiment hors de pair. Alors, il est sûr que la période de la Convention marque sans doute l'apogée de sa carrière politique. Elle n'a pas cessé. Alors, un des points un peu difficiles à comprendre dans le parcours de Grégoire, c'est son attitude au moment de la déchristianisation et de la terreur, où à la fois il n'a pas voulu s'éloigner du pouvoir. Il est resté notamment très actif au comité d'instruction publique. Il a critiqué un certain nombre de choses qui étaient faites, mais il est resté quand même toujours à la Convention comme un des membres de la direction de l'État français. Il a survécu à la terreur, bien qu'il ait pris beaucoup de risques. Il a certainement pris beaucoup de risques, notamment d'ailleurs dans le refus d'abdication qu'on vient d'entendre. Et il a survécu. Certains disent qu'il aurait été protégé par Robespierre. Bon, il n'a pas hésité non plus à critiquer certains éléments de la politique de Robespierre, particulièrement la tentative de Robespierre d'instaurer un culte de l'être suprême. Mais comme les auditeurs le savent certainement, il y a une période de la Convention après la chute de Robespierre, ce qu'on appelle la Convention thermidorienne, pendant laquelle Grégoire a été extrêmement actif. Cet homme qui est mort octogénaire en 1831, quel est son chemin dans l'intervalle à Grande Guide? Alors, il faut un peu dissocier peut-être son chemin d'homme politique et son chemin d'ecclésiastique à ce moment-là. Le chemin d'ecclésiastique s'est achevé de manière assez tragique au moment où Bonaparte a décidé de conclure le concordat avec Rome. Ce concordat s'est conclu sur la base d'une disparition de l'Église constitutionnelle, l'Église de la Révolution. Donc, Grégoire a donné, après le concordat, Grégoire donne sa démission. Il ne sera plus titulaire d'un évêché, mais il continuera à signer. Ancien évêque de Blois. Sénateur, donc, bien que Bonaparte ne l'aime pas beaucoup. Il appartiendra toujours à un certain nombre d'assemblées politiques. Il a été sénateur pendant longtemps, mais il est rentré en conflit assez dur avec Napoléon, n'ayant pas accepté le passage à l'Empire, ayant été l'un des seuls critiques. Et puis, il s'est retiré donc de la scène politique pendant la période de l'Empire. Et il a failli revenir sur la scène politique au moment de la Restauration. Comme député de l'Isère. Il a été élu député de l'Isère. Stendhal lui-même, dit-il, s'est déplacé pour lui apporter sa voix. Stendhal le grenoblois. Mais à la suite d'une cabale extrêmement dure, l'élection de Grégoire a été invalidée. Et c'est là la fin de sa carrière politique. Ça n'est pas la fin de son action politique. Il meurt sous la monarchie de Juillet, au début de la monarchie de Juillet, qu'il a approuvé d'ailleurs. Meurt en mai 1831, dans les premiers moments de la monarchie de Juillet. Et l'Église officielle lui refuse les derniers sacrements que vient néanmoins lui apporter l'abbé Guyon, qui était, sauf erreur, le confesseur de Madame Adélaïde, je crois. Tout à fait, qui était par ailleurs le confesseur de Madame Adélaïde, où on voit une volonté aussi du pouvoir de la monarchie de Juillet d'apaiser le conflit. Et en même temps, cet abbé Guyon sera privé de la mitre par le fait qu'il avait été désobéissant. D'où l'on voit l'absence de volonté de l'Église du temps d'apaiser le même conflit. Et je pense que le cardinal Lustiger, archevêque de Paris, qui en 1989 a été tellement réticent à l'arrivée de l'abbé Grégoire au Panthéon, devait jeter sur la figure de l'abbé Guyon un regard quelque peu de blâme. Alors maintenant, il faut, Rita Hermon Bello, il faut que nous considérions les grands combats de Grégoire et leur éventuelle actualité, en commençant par son rôle dans l'émancipation des Juifs par la Révolution. Écoutez cette lecture par Daniel Koenigsberg d'un extrait de cet essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs que vous avez déjà évoqué. C'est une lecture qui a été donnée sur France Culture le 23 juillet 1989. Depuis 18 siècles, vous foulez les débris d'Israël. La vengeance divine déploie sur eux ses rigueurs. Mais vous a-t-elle chargé d'être ses ministres ? La fureur de vos pères a choisi ses victimes dans ce troupeau désolé. Quel traitement réservez-vous aux agneaux timides, échappés du carnage et réfugiés dans vos bras ? Est-ce assez de leur laisser la vie en les privant de ce qui peut la rendre supportable ? Votre haine fera-t-elle partie de l'héritage de vos enfants ? Ne jugez plus cette nation que sur l'avenir. Mais si vous envisagez de nouveau les crimes passés des Juifs et leur corruption actuelle, que ce soit pour déplorer votre ouvrage, auteur de leurs vices, soyez-le de leurs vertus, acquittez votre dette et celle de vos aïeux. Un siècle nouveau va s'ouvrir. Que les palmes de l'humanité en ornent le frontispice et que la postérité applaudisse d'avance à la réunion de vos cœurs. Les Juifs sont membres de cette famille universelle qui doit établir la fraternité entre tous les peuples. Et sur eux comme sur vous, la révélation étend son voile majestueux. Enfants du même Père, dérobez tout prétexte à l'aversion de vos frères qui seront un jour réunis dans le même bercail. Ouvrez-leur des asiles où ils puissent tranquillement reposer leur tête et sécher leurs larmes. Et qu'enfin le Juif, accordant aux chrétiens un retour de tendresse, embrasse en moi son concitoyen et son ami. Alors, Rita Hermon Bello, est-ce que cela vous paraît sonner contemporain ? Le chef de file de l'émancipation des Juifs, comme on a appelé à ce moment-là l'abbé Grégoire. Ça me paraît sonner contemporain et ça me paraît aussi effectivement très très loin de nous. Mais ce que je voulais souligner, c'est que c'est une des causes à laquelle Grégoire s'est attaché, qui a dans les dernières années soulevé le plus de discussions. En fait, une des choses qu'on lui a reproché, c'est que, comme on l'a entendu, il évoque la corruption actuelle des Juifs. C'est-à-dire que quand on lit ça aujourd'hui, on a le sentiment que c'est une condamnation qu'il porte à l'encontre des Juifs. Mais aussitôt, il dit voilà. « Mais c'est votre faute. Mais c'est votre faute parce que vous les avez ravalés dans cette condition. Ne les en blâmez pas, blâmez-vous vous-même. » En gros, c'est ça. Et puis, bon, ce qu'il emporte quand même, ce sont les derniers mots sur lesquels il conclut « son concitoyen » et son ami. Il faut rappeler, et ça je pense que ça nous concerne toujours aujourd'hui, que l'essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs, c'est avant tout, c'est le martèle tout au long, c'est un plaidoyer pour l'égalité politique des Juifs, qu'il a défendu pendant la Révolution, qui a été une bataille gagnée de haute lutte qui n'aboutit qu'en septembre 1791. Mais il faut quand même rappeler que très peu de pays à ce moment-là pratiquent une telle chose, si on met à part les États-Unis d'Amérique. Donc c'est un combat qui est un combat à cette époque-là encore d'avant-garde. Alors qu'ensuite on puisse avoir que notre conception à nous de l'émancipation, de l'intégration des Juifs à la citoyenneté, surtout à la culture, puisse reposer sur des critères un peu différents aujourd'hui, c'est autre chose. Mais enfin, il faut quand même comprendre Grégoire dans son temps à lui. Et dans son espace, puisque c'est probablement en Lorraine dont il est originaire, qu'il a eu l'occasion de voir des minorités juives importantes qui étaient plus ou moins bien intégrées et qui avaient été en butte à des excès de violence périodiques. Bien sûr, à ce qu'on a appelé des pogroms. Et ce que vous dites me donne envie de rappeler le tout dernier mot, qui est celui de le mot d'ami. Il y a quelque chose de particulier à Grégoire que je voudrais souligner, c'est que pour lui, ces causes ne sont pas des causes abstraites. Ce ne sont pas des causes que l'on défend seulement au regard de l'éthique et dans l'indifférence, en fait, aux personnes. Quand Grégoire dit son ami, c'est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'essai, il cite des textes, des textes juifs dont il a eu connaissance parce qu'il a des amis juifs auxquels il les a demandés. Et ça, que ce soit dans son combat à l'égard, en défense des juifs, en défense des noirs, des sans-mêlés, c'est une constante. Pour lui, ce sont des êtres de chair et de sang. Par exemple, à l'égard des hommes de couleur, comme on disait alors. Hein, il faut prendre des distances avec ce genre de termes aujourd'hui, c'est sûr. Non, mais nous ne sommes pas anachroniques. Il a reçu chez lui tous les émissaires des sans-mêlés qui venaient des Antilles défendre leurs droits à Paris. Et il a noué des liens d'amitié, d'affection, de tendresse avec eux. Comme il avait fait pour les Juifs dès le temps où il était curé en Lorraine. Ah. Est-ce qu'il est mêlé à la grande question qu'on agite souvent encore aujourd'hui, quand on cite Clermont-Tonnerre, qui demandait tout aux Juifs en tant qu'individu, qui ne voulait rien d'eux en tant que nation? Est-ce que dans ce grand débat, Grégoire a joué un rôle? Après tout, au début de l'autorité de Bonaparte, au moment du consulat, et après le Concordat, il essaye de développer le Sanhédrin et d'aider à la représentation culturelle et religieuse des Juifs de France. Alors, si vous m'en donnez l'occasion, je voudrais quand même souligner que la phrase de Clermont-Tonnerre, si on l'extrait complètement de son contexte, on lui donne, à mon avis, une portée qu'elle n'avait pas. Vous savez, Grégoire comme Clermont-Tonnerre sont des personnages qui avaient le sens de la formule. Et d'une certaine façon, c'est un piège qui se referme sur eux parce qu'on juge toute leur action à l'aune d'une formule qui était une formule engagée dans une discussion pied à pied. Quand Clermont-Tonnerre dit ça, il le dit en réponse à des gens qui viennent de dire « De toute façon, les Juifs ne veulent pas être français ». Donc c'est vraiment dans l'âpreté de la discussion polémique. Je ne sais pas s'il aurait dit ça à froid ou s'il l'aurait écrit. Je l'ignore tout à fait. Il y a beaucoup de phrases comme ça qui pèsent sur les individus, sur leur mémoire, dans le champ de l'histoire politique. Mais ne nous égarons pas dans cette direction. Vous évoquez les Noirs, alors venons-y. Venons à la question de la défense des droits des Noirs, on dit les nègres à l'époque plus souvent, ou les gens de couleur, comme vous dites, la lutte pour l'abolition de la traite et pour la suppression donc de l'esclavage pour une relation égalitaire entre les hommes. Écoutez cet extrait des mémoires de l'abbé Grégoire, lu par Bernard Joanneau sur France Culture, le 10 décembre 1989, c'est le moment, je le rappelle, où on a mis Grégoire au Panthéon, donc le moment où on a vu se multiplier les émissions consacrées à son souvenir. 20 ans d'expérience m'ont appris ce qu'opposent les marchands de chair humaine à les entendre. Il faut avoir vécu dans les colonies pour avoir le droit d'opiner sur la légitimité de l'esclavage, comme si les principes immuables de la liberté et de la morale variaient suivant les degrés de latitude. Parle-t-on de justice ? Ils répondent en parlant de sucre, d'indigo, de balance du commerce. Raisonne-t-on ? Ils disent qu'on déclame. Redoutant la discussion, ils ressassent tous les paralogismes. Tous les lieux communs, si rebattus, si souvent réfutés. Depuis 3 siècles, les tigres et les panthères sont moins redoutables que vous pour l'Afrique. Depuis 3 siècles, l'Europe qui se dit chrétienne et civilisée torture sans pitié, sans relâche, en Amérique et en Afrique, des peuples qu'elle appelle sauvages et barbares. Elle a porté chez eux la crapule, la désolation et l'oubli de tous les sentiments de la nature pour se procurer de l'indigo, du sucre et du café. Voilà, me semble-t-il, des propos qui sont spécifiquement intéressants aujourd'hui, au moment où on se penche sur l'histoire de l'esclavage, crime contre l'humanité. C'est un Grégoire déçu, parce que l'esclavage qui a été aboli une première fois sous la Convention a été rétabli par Napoléon. Il fallait rudement de courage pour se battre pour la suppression de l'esclavage. Ils ont donné la force de ce qu'on appellerait aujourd'hui le lobby colonial, qui a combattu en vain dans un premier temps contre la suppression de l'esclavage, mais qui a triomphé après coup à l'époque de Bonaparte, quand Joséphine de Beauharnais, qui était très proche des créoles, très proche des colonisateurs des Antilles, a eu un rôle essentiel. Oui, comme vous le dites, absolument. D'autant plus que ce lobby des planteurs, ce lobby des partisans de l'esclavage, ça n'est pas une opposition politique à la Constituante. Ce sont des gens qui font partie de ceux que l'on appelait les patriotes, qui sont des révolutionnaires eux-mêmes. Et donc ici, vous voyez, le débat s'est ouvert de manière extrêmement dure entre révolutionnaires, et ceux auxquels Grégoire s'est opposé sur cette question-là sont des hommes avec lesquels il est en plein accord sur d'autres questions. Donc là, c'est un combat extrêmement dur à mener et qui, je trouve, est très très bien résumé dans ce rapprochement très frappant dans le texte qui fait entre la justice et le sucre, les principes éthiques et politiques et les intérêts. Les nègres, dit-il, étant de même nature que les blancs, ont donc avec eux les mêmes droits à exercer, les mêmes devoirs à remplir. Ces droits et ces devoirs sont antérieurs au développement moral. Sans doute leur exercice se perfectionne ou se détériore selon la qualité des individus, mais voudrait-on graduer la jouissance des avantages sociaux d'après une échelle comparative de vertu et de talent sur laquelle beaucoup de blancs eux-mêmes ne trouveraient pas de place. Fin de citation. Ici, on touche à l'un des points sur lesquels la pensée de Grégoire me semble très actuel, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais en tout cas... Si, c'est comme ça. Mériter en tout cas qu'on y pense encore aujourd'hui. Parce que chez lui, il y a cette certitude absolue, ce qu'il appelle la famille universelle, c'est-à-dire cette certitude, en fait on pourrait le dire tout simplement, que les races n'existent pas. En quoi il ne se trompait pas, en tout cas la science aujourd'hui lui donne raison, et que la couleur de la peau n'a aucune signification particulière. Chez Grégoire, il n'y a pas un texte, mais toute une série de textes extrêmement frappants là-dessus, sur l'unité de la famille universelle, et donc en conséquence, l'égalité universelle des droits. C'est une certitude très forte chez lui. Et il faut savoir que Grégoire a été contemporain des débuts de la pseudo-science qui a essayé de démontrer avec la craniologie, avec les mesures de crâne, de sature, avec toutes sortes de références aussi biscornues et invalides en fait les unes que les autres. La phrénologie, oui. Oui, qui a essayé de montrer qu'en fait il y avait dès le départ des groupes humains très différents les uns des autres et qui avaient des caractéristiques constantes. Et vous savez que c'est cette pseudo-science qui a abouti aux horreurs nazies. Là, il a été d'une vigilance et d'une perspicacité qui impressionne encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Aimé Césaire le savait très bien, qui à plusieurs reprises, en Martinique, dans certains discours restés fameux, a rendu hommage à la figure de l'abbé Grégoire. Absolument, et qui a écrit une très belle préface à l'un de ses textes les plus beaux sur la question de la noblesse de peau. Et de la traite et de l'esclavage des Noirs, également. Oui. Donc voilà son rôle dans le combat pour l'émancipation des Noirs. Ensuite, d'ailleurs, il a continué de s'intéresser à ce qui arrivait à Saint-Domingue, à Haïti. À Haïti particulièrement, oui. Et d'ailleurs, on voit bien, quand il a senti la mort approcher, et on raconte que pendant son agonie, il parlait de ses chers Haïtiens, ce qui nous renvoie encore à cette dimension affective. Et dans son testament aussi, il a veillé à léguer toute une partie de sa bibliothèque, des livres, ce qu'il avait de plus précieux aux Haïtiens. Il y a un autre domaine où l'abbé Grégoire a laissé une très forte trace, c'est la question de l'éducation, c'est la question de la politique des langues. Alors, du côté de l'éducation, en gros, on lui fait guère reproche d'avoir fondé le CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, qui est construit sur l'idée qu'il faut que, en particulier, les adultes puissent continuer d'avoir accès à la connaissance et qu'on les accueille dans un établissement d'éducation, d'enseignement supérieur. Le CNAM, aujourd'hui, ne cesse pas de rendre hommage à l'abbé Grégoire. Je crois qu'on peut le rappeler, mais beaucoup plus controversé est évidemment son rapport sur la langue française. Je voudrais que vous nous rappeliez pourquoi il est tellement controversé. Oui, volontiers, mais simplement en disant d'abord que toute cette politique éducative et culturelle, qui est très riche, il faut la prendre comme un tout. Et si on veut, par exemple, évaluer la question de ce rapport sur les patois, c'est vrai qu'on le fait de manière un peu artificielle si on l'extrait de cet ensemble qui est très très cohérent et où les thèmes reviennent d'un texte à l'autre, d'une intervention à l'autre et se répondent. C'est pour ça que je souhaite en parler, parce que souvent on caricature aujourd'hui l'abbé Grégoire en disant c'est un affreux personnage qui a voulu tuer les langues régionales. C'est à nuancer beaucoup, non ? Il me semble que c'est à nuancer, et puis c'est vrai aussi qu'on a une tendance à évaluer la politique de Grégoire à travers la politique de la République au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on a une démarche récurrente, on critique la politique qu'on attribue à la République, que certains historiens ont quand même beaucoup nuancé hein, sur la destruction des langues locales, et on fait de Grégoire le responsable de cette politique qui a quand même été menée presque un siècle après ses travaux à lui. Alors avant que vous continuiez, pardon de ma discourtoisie, je voudrais vous faire là encore entendre la voix de Grégoire sur ce thème. Écoutons-le parler de l'anéantissement, c'est sa formule, des patois, c'est aussi son mot, en 1794. C'est un texte lu par Sylvain Solustri sur France Culture, toujours le 2 octobre 1996. Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser l'usage de la langue française par l'abbé Grégoire, séance du 16 prairial, l'an 2e de la République, une et indivisible. Les expressions du Lorrain sont si variées et si bizarres qu'on ne sait de quel idiome elles se rapprochent le plus. L'idiome est un obstacle à la propagation des Lumières. C'est surtout vers nos frontières que les dialectes, communs aux peuples des limites opposées, établissent avec nos ennemis des relations dangereuses, tandis que dans l'étendue de la République, tant de jargons sont autant de barrières qui gênent les mouvements du commerce et atténue les relations sociales. Par l'influence respective des mœurs sur le langage, du langage sur les mœurs, ils empêchent l'amalgame politique, et d'un seul peuple en font 30. Cette observation acquiert un grand poids si l'on considère que, faute de s'entendre, tant d'hommes se sont égorgés, et que souvent les querelles sanguinaires des nations, comme les querelles ridicules des scolastiques, n'ont été que de véritables logomachies. Il faut donc que l'unité de langue entre les enfants de la même famille éteigne les restes des préventions résultantes des anciennes divisions provinciales et resserre les liens d'amitié qui doivent unir des frères. Il y a donc ce premier argument chez Grégoire quand il évoque la disparition des patois, nous dirions nous-mêmes naturellement les langues régionales. C'est l'idée de l'unité de la nation qu'elle contribue à empêcher. C'est un premier thème, n'est-ce pas, Rita Hermon-Bello? Alors peut-être pour se faire une idée de son projet, il faudrait en fait différencier le registre du projet lui-même et des moyens par lesquels il veut réaliser le projet. Parce que c'est vrai, ce terme d'anéantissement des patois, à l'heure actuelle, c'est insupportable à entendre. Je ne chercherai pas à justifier un terme pareil. Mais il faut, pour arriver à comprendre donc ce qui est son projet, il faut d'abord rappeler que c'est quelqu'un qui a vécu dans le multilinguisme, son expérience lorraine, et sa sensibilité au décalage de langue et aux barrières, aux frontières que la langue peut représenter, elle est très profondément inscrite dans ce contexte-là. Il avait mesuré comme curé que la difficulté de faire parler ensemble les paysans dont il avait la charge, enfin la charge de leur âme, et les élites des villes et l'aristocratie. Il est très sensible à la différenciation sociale que ces différences de langage entraînent. Et puis, il en connaît des cas qui sont des cas aigus. Par exemple, dans l'essai sur la régénération des Juifs, il parle notamment de ces contrats de commerciaux qui sont passés sur plusieurs langues et qui sont passés notamment par des paysans dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Et on voit tous les conflits que cela peut entraîner qui se retournent ensuite contre les Juifs. Et puis il y a un deuxième aspect à ça, il y a l'aspect effectivement du curé de paroisse qui a aussi, à tort ou à raison, le sentiment que toute la résistance des paysans à la religion éclairée qu'ils prêchent, elle se niche dans les patois, que toutes les superstitions anciennes, elles se nichent précisément dans les patois. Et puis, il faut rappeler un autre élément qui est très très important et auquel beaucoup de révolutionnaires ont été sensibles, c'est qu'à partir du moment où on entre dans ce que l'on pourrait appeler la démocratie, la souveraineté du peuple, le règne de la loi, il est nécessaire que les citoyens comprennent la loi. Et ça, c'est un souci que manifestent les constituants dès 89, c'est le souci de faire en sorte que les citoyens du pays comprennent cette loi. Nul ne doit l'ignorer. Pour ne pas l'ignorer, il faut la comprendre. C'est vraiment le principe de base du règne de la loi. Encore faut-il effectivement la comprendre. Et Grégoire a été très sensible à des rapports qui lui ont été faits sur des contresens commis dans certaines régions de France sur des lois adoptée par l'Assemblée constituante. Donc, vous voyez, c'est une préoccupation qui prend une intensité bien accrue et totalement inédite avec le règne de la loi que veut instaurer la Révolution française. Alors, quand on lit ce rapport célèbre sur la langue française de juin 1794, rapport d'ailleurs admirablement écrit, comme tant de textes de cette époque, et qui en soi est un hommage à la langue française, quand on lit ce rapport, on trouve un autre argument. C'est celui que les patois contribuent à maintenir les hiérarchies sociales. Et que si l'on veut qu'il y ait une promotion sociale dans un pays, il faut que les classes populaires ne soient pas freinées dans cette ascension par la méconnaissance de la langue des élites. Absolument, et notamment la transmission du savoir. On a parlé aussi de son projet éducatif et didactique. Cette transmission du savoir, celle qu'il veut perfectionner, notamment avec le Conservatoire des Arts et Métiers, qui est une préfiguration de ce qu'on appelle aujourd'hui la formation continue, la formation tout au long de la vie. Cette transmission, elle ne peut pas avoir lieu sans le vecteur de la langue commune. C'est aussi un des éléments auxquels il est extrêmement sensible. Et ça a aussi un volet politique à partir de la Révolution. C'est que l'idéal de Grégoire, c'est que les fonctions politiques puissent être exercées par tous. Et bien entendu, celui qui ne parle pas la langue nationale ne peut pas accéder à ces fonctions politiques. Donc quand on revient aujourd'hui à la défense et à l'illustration des langues régionales qui sont maintenant évoquées dans la Constitution de la République, on ne doit pas omettre un fait éclatant, c'est qu'on les défend mieux aujourd'hui que tout le pays parle français. Et à ce moment-là, on peut efficacement y revenir comme un élément d'une culture, comme un lien des populations avec leurs racines, leurs origines. Cela change tout par rapport au temps de l'abbé Grégoire. Oui, et vous pointez ici une question qui me semble très importante quand on réfléchit justement à la pensée, à l'action d'un homme du passé par rapport à notre présent, par rapport à notre contemporain. C'est que nul ne peut dire que parce que Grégoire a critiqué l'usage de ce qu'il appelait les patois en son temps, il ne serait pas aujourd'hui tout à fait favorable à la protection des langues régionales. Le contexte a complètement changé. C'est pour ça que juger la position de Grégoire en fonction de ce dont nous disposons aujourd'hui, et je dirais d'un confort relatif par rapport à l'époque de Grégoire, me semble un peu anachronique. Et puis, une dernière chose quand même que je voudrais préciser, c'est que quand on essaye de regarder aussi les moyens par lesquels il a voulu appliquer la politique qu'il défend, ces moyens ne sont pas du tout des moyens violents. Alors, on parle toujours du rapport sur l'anéantissement des patois, et on oublie que ce rapport s'accompagnait d'une adresse aux Français, et c'est cette adresse aux Français qui était le document important, puisque dans son esprit il devait être envoyé à tous les Français. C'était une adresse aux Français pour les inviter à ne parler que la langue française. Et en fait, les moyens que l'on trouve dans le rapport sont des moyens d'incitation, d'invitation. Et non pas de contrainte. Ce terme affreux d'anéantissement évoque la contrainte, mais en réalité, la contrainte, elle ne fait pas partie des moyens envisagés. C'est ce que d'ailleurs Mona Ouzouf, votre préfacière, la préfacière de votre belle biographie de l'abbé Grégoire, à la trace duquel nous consacrons cette émission, Mona Ouzouf a publié un très beau livre qui s'appelle « Composition française » et qui montre bien que la petite Bretonne qu'elle était avait été beaucoup moins contrainte il y a 60 ans, disons, ou 70 ans à l'école que parfois les détracteurs de la République jacobine ne l'ont affirmé. Ah oui, tout à fait, le contexte a totalement changé. Et encore une fois, je me demande ce que serait la position de Grégoire aujourd'hui. Mais si on rapproche sa position sur ces questions, si on essaye de la rapprocher de sa position sur le patrimoine et sur la conservation du patrimoine comme bien commun des Français, je ne peux pas parier et on ne peut pas réécrire l'histoire. Mais j'imagine que sa position aujourd'hui serait tout à fait différente. Cette personnalité est si riche qu'on est amené à évoquer bien des thèmes, et notamment des thèmes qui retrouvent des échos aujourd'hui. Il invente plus ou moins la notion de patrimoine qui a fait florès dans les temps plus récents, disons à partir des années 1970 en France, la politique du patrimoine. Et en même temps, tout en luttant contre le vandalisme, il ne manque pas d'accepter un certain nombre de destructions, de symboles, par exemple architecturaux, de la royauté dont la France s'est purgée. C'est une contradiction. Quelle est la résonance de tout cela aujourd'hui ? Alors, j'essaye de vous répondre sans me mettre à la place de l'avocate de Grégoire, d'abord parce que je pense qu'il n'en a nul besoin et je pense que c'est une position qui n'est pas une position d'historien. Ce que je vous répondrai, c'est que, bon, d'abord, le Grégoire est un de ceux qui ont participé à la chute de la monarchie. Il est peut-être celui-même qui a, d'une certaine façon, permis la chute de la monarchie en septembre 92. Alors sur cette question du patrimoine, il faut, dans les premiers textes de Grégoire de 93 et 94, hein, et dans un moment d'extrême tension, comme on l'a dit tout à l'heure, à la Convention, c'est vrai qu'il est prêt à un certain nombre de destructions des symboles de la royauté. Alors simplement, ce que je remarquerais, c'est que si on regarde la suite des textes, et pas simplement ses rapports sur le vandalisme, parce qu'il a abordé cette question du patrimoine dans de nombreux textes, on voit que de texte en texte, sa conception du patrimoine, alors le terme n'existe pas encore, hein, mais de ce bien commun de la nation qu'il faut préserver, sa conception s'étend de plus en plus et qu'il y comprend de plus en plus ce qui a été légué en fait par la royauté qu'il déteste. Si, il emploie quand même l'expression, il parle à un moment de la nouvelle instruction de mars 94 sur la manière d'inventorier et de conserver dans toute l'étendue de la République. Il parle de la première entrée au port du patrimoine. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a cette mention-là, vous avez raison. Mais bon, disons que ça n'est pas encore mis en exergue, ça n'est pas la notion de patrimoine qui est un véritable titre comme on la connaît aujourd'hui. Mais les historiens du patrimoine lui accordent une place très importante dans la conception de l'idée. En fait, il condamne le vandalisme dans l'ensemble et il défend l'idée que le patrimoine, puisque nous employons ce mot, doit être restitué à la nation. Il dit le peuple rentre dans sa propriété. En réalité, tous les biens, les châteaux, les statues, les livres ont toujours été la propriété du peuple parce que, dit-il, ils étaient son œuvre. Changés en livres, en statues et en tableaux, c'était les sueurs du peuple. Les sueurs du peuple. Ça aussi, c'est assez actuel quand on pense aux longues files d'attente devant les monuments lors de la journée du patrimoine. Tout à fait, mais c'est vrai que cette notion de restitution est extrêmement importante. Le peuple rentre chez lui. Le peuple rentre en possession de ce qui lui appartient depuis toujours. Et d'ailleurs, Michelet, c'est un compliment voisin, rend hommage à Grégoire pour avoir été le premier qui s'est soucié des archives de la Révolution, dans lesquelles lui-même, Michelet, a tellement travaillé. Oui, ces archives dont il raconte avec quelle émotion il les a trouvées souvent intactes, intouchées depuis la période révolutionnaire. Alors Grégoire a fait un très gros travail, effectivement, de rassemblement, d'archives et de défense des bibliothèques, parce qu'il ne faut pas oublier que le vandalisme s'attaquait aussi beaucoup aux livres. Oui, on brûlait les livres ce moment-là. C'est encore plus facile. Crime absolu, non ? Oui. Alors nous allons consacrer, Rita Hermon-Bello, la fin de notre émission à la grande question de la liberté des cultes, des relations entre l'Église et l'État. Parce que là aussi, il y a évidemment à faire le départ entre ce qui peut sonner actuel et ce qui est évidemment dépassé du point de vue des comportements, des institutions et des mentalités. Écoutez cette lecture par Bernard Joanneau d'un extrait du discours sur la liberté des cultes. Discours de l'abbé Grégoire à la Convention en Ventose en 3. Ventose en 3 sur France Culture le 3 décembre 1989. Le gouvernement ne doit adopter encore moins salarié aucun culte. Quoi qu'il reconnaisse dans chaque individu le droit d'avoir le sien. Il faudrait pourtant proscrire une religion persécutrice. Une religion qui n'admettrait pas la souveraineté nationale, l'égalité, la liberté, la fraternité dans toute leur étendue. Mais dès qu'ils constatent qu'un culte ne les blesse pas et que tous ceux qui en sont sectateurs jurent fidélité aux dogmes politiques, qu'un individu soit baptisé ou circoncis, qu'il crie Allah ou Jéhovah, tout cela est hors du domaine de la politique. Si même il était un homme assez insensé pour vouloir, comme dans l'ancienne Égypte, adorer un légume et lui ériger un autel, on n'a pas le droit d'y mettre obstacle, car ce qui n'est pas défendu par la loi est permis. Et certes, je me garderai bien de troubler un juif dans sa synagogue, un musulman dans sa mosquée, un hindou dans sa pagode. Ce serait violer un des plus beaux de leurs droits, celui d'adorer Dieu à leur manière. Si je me trompe, dirait alors le citoyen, tu dois me plaindre et m'aimer. Instruis-moi, mais ne me persécute pas. Que t'importe d'ailleurs ma croyance, pourvu que confondant mon intérêt dans l'intérêt national, par mes efforts réunis à ceux de mes frères, la liberté prospère et la République triomphe. Quand on entend ce texte, très beau texte, on comprend que une bonne partie du cléricalisme catholique du XIXe siècle est vouée, Grégoire, aux gémonies. On est à l'opposé de Cantacura, du syllabus, qui refuse absolument tout ce que Grégoire, dans ce propos, défend, promeut et illustre. Tout à fait. Et cependant, il me semble que c'est un des aspects de la carrière et de l'action et de la réflexion de Grégoire qui finalement a été le moins discuté, qui n'a pas donné lieu à la polémique, alors que je dirais, c'est-à-dire à la discussion contradictoire. Alors que je dirais que, compte tenu des questions qui occupent la France d'aujourd'hui, c'est une des questions qui me semble la plus intéressante. Et il me semble aussi que c'est une des questions où on peut prendre aussi en compte une autre dimension du personnage, c'est que tout au long de cette très longue carrière, Grégoire n'est pas quelqu'un qui est resté fixé sur des positions. Parce que ce discours, sur lequel je crois qu'on a raison de s'apesantir un peu, ce discours qui a donc été prononcé en décembre 1794, est un discours qui revient sur une partie de ses positions. Alors, vous avez raison de préciser, j'avais donné le calendrier révolutionnaire, vous traduisez en calendrier chrétien. Oui, calendrier révolutionnaire qui est d'ailleurs toujours présent dans le vocabulaire de la loi, puisqu'un certain nombre de lois restent toujours datées dans ce calendrier. Mais c'est métaphorique finalement, nous sommes exactement à la jonction de la très longue durée du christianisme et de ce qu'apparaît un homme comme Grégoire comme radicalement nouveau. Oui, et ça l'est absolument. Mais ça l'est aussi, c'est nouveau aussi pour lui. Parce que je crois qu'il faut dissocier là peut-être deux questions, la question de la liberté des cultes et la question de ce qu'on appelle séparation des églises et de l'État, ou de l'église et de l'État, et du rapport avec la laïcité. Oui, aujourd'hui, alors, c'est essentiel cette distinction, bien sûr. Alors premièrement, la liberté des cultes, et ça nous amène aussi à une autre question importante, si on essaye d'évaluer l'œuvre de Grégoire, c'est le fait que, au long de cette très longue carrière, cet homme n'est pas resté fixé sur des positions immobiles, sur des questions extrêmement importantes. Il a évolué, il a même évolué de manière substantielle. Alors notamment sur la question de la liberté des cultes et sur la question de l'égalité des cultes. Car je voudrais rappeler que pendant toute la période où Grégoire se bat d'arrache-pied pour arracher, c'est le cas de le dire, les droits de citoyenneté des Juifs, pour rendre les Juifs égaux aux autres, en même temps, il n'a pas une conception égalitaire de la pratique religieuse des uns et des autres. Pourtant, il est prêt à un certain moment à accepter qu'on renonce à l'usage exclusif des bâtiments du culte au profit du catholicisme. Les églises devraient devenir des établissements polyvalents. Oui, mais ça, c'est en 1794. Ça, c'est après la déchristianisation. Mais avant, Grégoire, dans l'idée de Grégoire, et pas seulement de Grégoire, hein, de toute une partie du clergé qui a adhéré à la Révolution française et qui a été partisan de l'émancipation politique des Juifs, on fait quand même la différence entre le culte public qui appartient à la seule religion catholique et le culte privé qui va être licite, qui va être libre, mais qui va être maintenu dans une certaine discrétion qui sera le culte des Juifs. Et on ne sait pas très bien, à dire vrai, pour les protestants. Mais ils ont le droit d'aller utiliser pour leur culte les églises catholiques. Alors c'est bien la preuve que... Mais seulement en 94, ah oui, beaucoup plus tard. Autrement dit, il y a à l'époque... Oui, alors ça, on arrive à évidemment une contradiction à l'intérieur même de la pensée de Grégoire. Là, je dirais que ce n'est pas une contradiction, c'est une évolution. Ce n'est pas une contradiction, parce que tout ça ne se passe pas au même moment. Vous êtes très hégélienne. Mais je n'en suis pas certaine. Mais en tout cas, la crise que vit Grégoire au moment de la déchristianisation lui a fait changer ses positions d'une manière qui est quand même radicale. C'est-à-dire que Grégoire, ayant vu sa propre religion, la religion catholique, mise au ban pendant la période de la déchristianisation, ce qu'il veut en 1794, c'est obtenir un rétablissement de la liberté des cultes. Et cette fois-ci, il s'agit bien de pluralité religieuse, il s'agit bien de conditions égales pour tous les cultes. Au profit c'est du lui catholicisme, au profit du catholicisme menacé peut-être par l'évolution du temps. C'est le moment où son angoisse voit que les espérances qui étaient les siennes de conciliation entre le catholicisme et la République, que cette espérance risque de se heurter à la déchristianisation. Certainement, mais n'empêche que au moment du discours de décembre 1794, il faut savoir que ce discours, Grégoire n'a même pas pu le prononcer jusqu'à la fin, tellement il a entraîné les huées de la Convention. Prononcer à ce moment-là un tel discours, c'est vraiment un acte de grand courage. D'ailleurs, il est rentré chez lui persuadé qu'on allait venir le chercher pour lui couper la tête. Ce qui aurait pu se produire, mais bon, ce qui ne s'est pas produit. Et en réalité, Grégoire, avec ce discours, apportait de telles concessions au nom des catholiques français, et notamment des concessions sur l'égalité entre les différents cultes, que ce discours a pu être repris, notamment par un protestant, Boissy d'Anglas, quelques mois plus tard, et aboutir effectivement à l'adoption d'une loi dite « loi sur la liberté des cultes ». Alors ça, c'est la dimension pluralité, liberté des cultes. La deuxième Alors, question. Alors l'autre dimension, ce serait la dimension séparation de l'Église, à ce moment-là, je crois qu'il faut dire au singulier, de l'Église et de l'État. Et voilà 1905, quelle ressemblance, quelle différence? Alors, ressemblance et différence. Alors, dans le contexte de 1794, quand je parlais tout à l'heure de concessions que Grégoire présente au nom du catholicisme, l'autre immense concession, c'est d'accepter effectivement une forme de séparation de l'Église catholique, qui était la seule qui avait été liée à l'État jusqu'alors, et de l'État. Et il le dit bien, il le dit dans son discours, chacun doit être libre d'avoir la carrière politique qu'il veut et il faut dissocier les questions religieuses des questions politiques. Mais c'est l'Église constitutionnelle doit être à la fois un modèle et un moteur pour la République civile. C'est l'époque où il a cette phrase frappante, l'Évangile est le plus républicain des livres. Absolument, c'est bien là où je voulais en venir, hein. Je vous suis tout à fait. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il ne faudrait pas prendre cette forme de séparation de l'Église et de l'État pour notre conception actuelle de la laïcité. On a remarqué dans le texte, Grégoire parle de dogme politique. Pour lui, il n'y a pas de politique et surtout pas de politique démocratique sans inspiration religieuse. Alors qu'il me semble que notre conception de la laïcité, pour moi, ça n'est pas du tout un régime des cultes, c'est une conception du politique. Et c'est une conception du politique d'où tout religieux est absent. C'est oui, autre c'est chose. Voilà une c'est grande vrai. Différence, je crois, entre la séparation de 1905 et la séparation de 1795. Et Grégoire, en fait, n'entendait pas cantonner la religion à la sphère purement privée. Même si l'Église n'était plus dans l'État, oui. Les chrétiens avaient, au fond, le devoir d'insuffler le message évangélique Absolument. Dans la sphère politique et sociale. Absolument. Les chrétiens et aussi les autres, puisqu'on passe à un régime de pluralité religieuse. C'est-à-dire que d'autres cultes aussi peuvent servir d'inspiration à cette politique démocratique. Pas seulement le culte chrétien-catholique. Mais n'empêche qu'il n'y a pas de bons citoyens sans bon fidèle. Alors je voudrais que nous quittions, parce que malheureusement, il faut que nous séparions, après avoir tâché de démontrer l'actualité, attempérée naturellement, de l'abbé Grégoire. Je voudrais que nous quittions sur cette lecture d'un portrait de lui par Edgar Quinet, dans son Histoire de la Révolution. Edgar Quinet, une histoire qui date de 1865. Edgar Quinet, qui l'avait rencontré dans sa jeunesse. Personne ne représentait mieux cette église éphémère, entendez, l'église constitutionnelle, que l'évêque Grégoire. Je l'ai vu 30 ans après, toujours dans son même habit violet, et sa physionomie m'est bien présente, une voix douce, un regard humble, la taille haute et je ne sais quoi de tenace et d'indomptable qui avait résisté à la vieillesse, de l'intrépidité dans le caractère, de la timidité dans l'esprit, toujours foudroyé et toujours serein. Le temps n'avait pas pu l'arracher au catholicisme qui le reniait vivant et devait le proscrire mort. Il continuait d'embrasser les portes sacrées qui se tenaient inexorablement fermées pour lui. Si vous le permettez, Rita Hermon-Bello, nous allons terminer de la sorte cette conversation. Mais comme nous avons beaucoup vu l'abbé Grégoire, j'ai souhaité qu'il réapparaisse en pied, en quelque sorte, grâce au grand talent d'Edgar Quinet. Je disais que vous avez été la biographe remarquable de Grégoire. Votre livre s'appelle « L'abbé Grégoire, la politique et la vérité ». Il est paru il y a une douzaine d'années au Seuil, en 2000, avec une préface que j'ai déjà saluée de Mona Ozouf. Un livre passionnant, on devrait bien le reprendre en poche. Message pour son éditeur. Citons aussi un autre livre très utile de Caroline Choplin et Paul Choplin, « L'obscurantisme et les Lumières », sous-titre « Itinéraire de l'abbé Grégoire, évêque révolutionnaire », un livre qui vient de paraître chez Vendémiaire. Vous avez souhaité également que nous citions un article qui vous paraît important, « En défense de l'abbé Grégoire » de Bention Dinur, qui est traduit et présenté par Maurice Kriegel dans les Cahiers du judaïsme, numéro 31 de 2011. Pourquoi cet article est-il important ? Alors, il est important pour deux raisons. D'abord parce que parmi les critiques qui ont été adressées de manière récente à Grégoire, les critiques qui portaient sur son projet à l'égard des Juifs ont été des critiques qui ont été beaucoup écoutées et beaucoup relayées en France, mais tout particulièrement aux États-Unis. Et cet article de Bention Dinur est une réponse précoce à ces critiques d'une très grande force. Et puis, je voudrais aussi dire à quel point la petite introduction qui a été rédigée par Maurice Kriegel est me semble-t-il, importante dans la perspective de cette émission avec ce très beau titre de Concordance des temps. Qu'est-ce qu'il dit alors, Maurice Kriegel ? Et alors justement, je citerai, simplement, je rappellerai une citation que fait Maurice Kriegel de Marc Bloch, de l'historien Marc Bloch, qui écrivait « Longtemps, l'historien a passé pour une manière de juge des enfers, chargé de distribuer aux héros morts l'éloge ou le blâme. » Il me semble que c'est bien de cette position que nous sommes en train d'essayer de nous éloigner aujourd'hui avec vous. Vous l'avez fait très efficacement, Rita Hermon-Bello. Merci beaucoup. Vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références et documents que nous avons utilisés. Vous le savez, vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. Ainsi, prolongerez-vous la gloire et la trace de l'abbé Grégoire. Samedi prochain, nous parlerons avec David Engels de similitudes ou de rapprochements ou d'échos éventuels entre la chute de Rome et la crise actuelle de l'Europe. David Engels vient d'y consacrer un livre qui m'a paru stimulant. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, réalisée par Charlotte Roux, avec Alexandre Dang à la prise de son, Romain Couturier à la discothèque et Arnaud Plançon pour les archivinas. Et dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi, Dominique Rousset pour l'économie en question.